des anciens des années 90. Je reviens old school pour mettre le fire sur la piste. Le concept est authentique et l'homicide est volontaire. Pourquoi tant de haine si je rappe, c'est pour sauver la terre. Je transmets le message comme à l'époque des Master Flash. J'ai allumé la mèche, j'ai fait de la rime cash. Maîtrise linguistique, avec ça du pose combat. Esquive les coups de pute, écoute droit les coups bas. Qui sème le vent, récolte le tempo. Suprême kicker avec un rythme dans la peau. Hip hop engagé dans qu'à peine moi l'ennemi public. Attaque verbalistique avec un sens journalistique. J'ai choisi la voix de l'expression directe. Débit de dingue pour élocution parfaite. Le savoir est une arme, j'ai visé des têtes. Détournement de son, donc j'appuie sur la gâchette. Avec une attitude, MWA dans mon poste comme d'habitude. Appelle-moi Tupac avec un teint tout pâle. T'es un Beastie Boy, j'ai du sang tout pâle. Si tu connais le rap, tu connais la devise. MC et micro, rien ne les divise. Préférant de loin, narrow devise. J'ai mon job à plein temps, donc quelques coups suffisent. J'kiffe avec les rimes et force avec les mots. J'suis en mission, paracommando. Tout comme cette vie, je suis resté hardcore. Toujours encore à corps jusqu'à la mort, on est d'accord. J'ai fait mes classes avec les meilleurs professeurs. C'est du high-tech avec les meilleurs processeurs. J'ai un de l'époque où les maîtrises se sont taillées. Aujourd'hui c'est Skyrock, premier sur la pâtée. T'inquiète, j'ai la niaque, l'énergie, la matière. J'ai glissé de PO, du dopage dans mes verres. Sache que j'ai les gros et l'appétit de l'univers. Donc quand je médite, c'est pour les jeunes de l'univers. Moi quand je rappe, c'est toujours en première classe. Pousse le volume, la fond et la basse qui tabasse. Sans stress, sans stress, sans cesse, sans ça, sans cesse. J'ai nettoyé la crasse sur un beat strip. C'est du white style. Personne ne le dira que le match de mal est mal. Sauvage, mais réfléchi comme dans mon animal. J'ai tellement toasté, je n'ai même plus d'amical. On les enterre tous, c'est pas une surprise. On les a noyés dans la tequila sunrise. Opération freestyle, simplement pour les puristes. Pas d'arrêt maladie, donc les autres sont des touristes. Trop complexe pour eux, c'est ça l'art de la rue. Amoureux d'une énigme, donc je suis jamais déçu. Celle-ci va pour ceux qui m'honorent l'esprit. J'paye mes dettes, quel qu'en soit le prix. J'rembourse ce que j'dois à cause du style free. J'peux rien pour toi si t'as rien compris. Hip hop, don't stop pour tous les MC. Pour ceux qu'on grandit avec Run DMC.